Troisième partie, chapitre 20, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gillian Hendry. Introduction à la vie dévote par Saint-François de Sales. Troisième partie, chapitre 20. De la différence des vraies et des vaines amitiés. Voici, Philothée, l'important avertissement et la grande règle. Le miel des acclés, dont je vous ai parlé, et qui est un vrai poison, est tout semblable au miel ordinaire dont l'usage est si sain. Et il est fort dangereux de prendre l'un pour l'autre, ou de les prendre mêlés ensemble. Parce que la bonté de l'un ne corrigerait pas la malignité de l'autre. Je dis aussi qu'il faut être sur ses gardes pour n'être point trompé en amitié, principalement quand il s'agit d'une personne de différents sexes, quelque bon principe que puisse avoir cette liaison. Car souvent, Satan donne le change à ceux qui aiment. On commence par l'amour vertueux. Mais à moins que de prendre des sages précautions, l'amour frivole s'y mêlera, et puis l'amour sensuel, et enfin l'amour charnel. Oui, il y a même de danger dans l'amour spirituel, si l'on ne sait pas bien s'armer de défiance et de vigilance, bien qu'il soit plus difficile d'y prendre le change, parce que la parfaite innocence de cœur lui découvre plus évidemment tout ce qui peut s'y glisser d'impur, en la manière que des taches paraissent plus sur un fond bien blanc. C'est pourquoi, quand le démon entreprend de corrompre cet amour tout spirituel, il le fait plus finement en essayant de faire couler insensiblement dans le cœur quelques dispositions peu favorables à la purité. Le discernement de l'amitié sainte et de l'amitié mondaine dépend donc des règles suivantes. Le miel des acclés est plus doux à la langue que le miel commun, parce que les abeilles le cueillent sous l'aconite, qui lui donne cette douceur extraordinaire. Et l'amitié mondaine a un certain flux de paroles douces, molles, passionnées et pleines de flatterie sur la beauté, sur le bon grâce et sur des vains avantages naturels. Mais l'amitié sainte a un langage simple, uni et sincère, et elle ne peut jamais louer que la vertu et le don de Dieu, l'unique fondement sur lequel elle subsiste. Ceux qui ont mangé de ce méchant miel sont aussi frappés d'un tournoiement de tête et de beaucoup de vertige. Et la fausse amitié cause un dangereux étourdissement d'esprit qui fait chanceler à tout moment une personne dans la voie du salut. Car c'est de là que procèdent la tendresse et la mollesse des regards, les démonstrations sensuelles, le soupir déréglé, les plaintes affectées sur le défaut de correspondance, les contenances étudiées, les manières enjouées et insinuantes, les demandes de plusieurs mauvaises marques d'amitié, présages certains de la ruine prochaine de toute l'honnêteté. Mais l'amitié sainte n'a des yeux que pour la pudeur, ni des démonstrations que pour la purité et la sincérité, ni des soupirs que pour le ciel, ni de la liberté que pour l'esprit, ni des plaintes que pour l'intérêt de Dieu, qui n'est pas aimé, marque infaillible d'une honnêteté parfaite. Le miel de raclée trouble la vue, et l'amitié mondaine trouble si fort le jugement que l'on ne distingue plus le bien et le mal, et que l'on prend pour des vraies raisons les prétextes les plus mal fondés, que l'on craint la lumière et que l'on aime les ténèbres. Mais l'amitié sainte a les yeux clairvoyants ne se cache point et se montre même volontiers aux gens de bien. Enfin, ce miel empoisonné laisse une grande amertume à la bouche, quelque doux qu'il ait paru d'abord. Et la fausse amitié se termine à des demandes honteuses, et au cas de refus, à des dégoûts et des ennuis, à des défiances et des jalousies, à des reproches et des injures, à des impostures et des calomnies qui vont souvent jusqu'à la rage la plus importée et jusqu'à la trahison la plus noire. Mais la chaste amitié, semblable en tout temps à elle-même, est toujours également honnête, civile et douce, et elle ne reconnaît point d'autre changement que celui d'une nouvelle perfection qui donne de jour en jour l'union des esprits et des cœurs. Image fort vive de la bienheureuse amitié qui règne dans le ciel. Fin de chapitre 20, troisième partie.